Au sport. Dans la Ligue de soccer Benjamin masculine Division 2, Louis-Saint-Laurent dispute deux matchs le 17 mars contre l'école Mitchell à Louis-Saint-Laurent. Le premier à 17h30, l'autre à 18h45. Dans la Ligue de soccer cadet masculin Division 3, Louis-Saint-Laurent reçoit à la maison l'école du Phare à 18h15 le 19 mars.